بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 45 بعد 100، كم حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى. Aïcha a dit qu'il y a une éclipse du solaire à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est avancé, il a fait la salat pour les gens. Il a fait un long qiyam, c'est-à-dire qu'il s'est tenu debout longtemps. Ensuite, il s'est incliné. Et cela durant un long moment. Puis il s'est relevé de son inclinaison. Durant un long moment, mais en étant moins long que sa tenue debout avant le rukou, avant l'inclinaison. Ensuite, après le premier rukou, il s'est remis debout. D'accord ? Et il reste longtemps debout. Mais moins longtemps que la première fois. Ensuite, il s'est encore incliné. Et il est resté longtemps incliné, mais moins longtemps que le premier rukou. Ensuite, il s'est relevé et ensuite il s'est prosterné. Et de là, il a fait une longue prosternation. Et après, il a fait la même chose lors de la deuxième rakat. Il agit de la même sorte lors de la deuxième rakat. Souman sarafa wa qad injalat ash-shams fa khataba an-nas wa hamida Allah wa asna alayhi thumma qala inna ash-shams wal qamara ayatan min ayati Allah la tanhasifan لموت أحد ولا لحياته وإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه وتعالى من أن يزني عبده أو تزني أمته أو أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتك قليلا ولبكيت كثيرا وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. Donc une fois qu'il avait fini cette salat et que le soleil est revenu à sa forme initiale, il s'est mis à sermonner les gens. Il a fait l'éloge d'Allah Azzawajal et son éloge. Puis il a dit que la lune et le soleil sont deux signes parmi les signes d'Allah Azzawajal et qu'ils ne sont une éclipse pour la mort de personne ni pour la vie de personne. Et si vous les voyez, c'est-à-dire ces éclipses-là, alors invoquez Allah et faites le takbir et faites la salat et faites l'aumône. Ensuite il a dit « Oh communauté de Mohammed, je jure par Allah que personne n'est plus, rien n'est plus jaloux que Allah, que son serviteur ne se mette à forniquer ou que sa servante se mette à forniquer. Ô communauté de Mohammed, je jure par Allah que si vous saviez ce que je savais, ou si vous saviez ce que je sais, vous rigoleriez peu et vous pleuriez beaucoup. Et dans une version, il dit Wafilovzin, qu'il a complété cette salat avec 4 rakats et 4 prosternations. Naam. Yaqul fadlat ash-shaykh ibn al-Uthaymeen. Ar-rawi Aisha. Rapporteur c'est Aisha. Moudou al-hadith bayyana kayfiyat salat al-kusuf wa hukm al-khutba ba'daha. Donc là, ce hadith vient pour montrer le jugement de la façon d'accomplir cette salat et de la khutba qui suit. Comment faire sa salat du kusuf et la khutbah qu'il y a à faire après cela. Yaqulu fil sharh al-ijmali, explication globale. Khasafat ash-shamsu fi 'ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa lamma kana al-khusuf amran ghayr ma'hud, sala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ashabi salatan al-khusuf ala wajh ghayr ma'hud fi kayfiyatiha wa maqadiriha. Donc il a dit qu'il y a eu une éclipse à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il s'agit justement d'une chose qui est inhabituelle, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait pour une salat qui était également inhabituelle. ففي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا. Donc Aïcha informe que dans ce hadith que le Nabi صلى الله عليه وسلم a fait un qiyam qui était long. C'est-à-dire la première tenue debout où il fait le Fatiha et qu'il reste le Coran, ça a été long. Ensuite, il s'est incliné d'une longue inclinaison. ثم رفع فقام قياما طويلا دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول. Et de là, après ce premier recours, il s'est relevé. Il a encore fait un long qiyam dans lequel il récite encore une fois Al-Fatiha et il récite du Coran. Mais cette fois-ci, long, mais moins long que le premier, Qiyam. Et ensuite, il s'est incliné une fois de plus, d'une longue durée, mais d'une durée moins longue que le premier recours. Thumma sajada, fa atala sujud, thumma salla raka'a thaniya, kama salla raka'a al-oula, fi hayatiha, wa in kanat dunaha, fi ma yaf'alu, thumma faragha min salatihi, wa qad zara khusuf al-shams, wa tajallat. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné d'une longue prosternation. Et dans le hadith, ce n'est pas cité, mais en fait, il s'est assis et s'est prosterné une deuxième fois. En fait, il y a deux prosternations, bien évidemment. Et les deux ont été longues. Et ensuite, il s'est relevé, il a recommencé une autre rakat, comme la première. C'est-à-dire une rakat qui comporte deux recours, il s'incline deux fois dedans, et ensuite, il se prosterne deux fois. قالت وقال ثم خطب الناس كعادته صلى الله عليه وسلم في المناسبات ليبين لهم الحكمة من خسوف الشمس والقمر يزيل عنهم عن قلوبهم ما يعتقده الناس من في الجاهلية فحمد الله واثنى عليه وبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى مسخرتان بأمر الله تعالى لا يخسفان حزنا لفراق عظيم ولا غيره ولوجوده أمر عند رؤية Donc ensuite il a sermonné les gens comme cela fait son habitude lors des occasions pour leur montrer la sagesse justement de ces éclipses lunaires et solaires afin de retirer de leur cœur ce que les gens avaient comme croyance dans la jahiliya que cela avait lieu pour la naissance de quelqu'un ou la mort de quelqu'un. Donc il a loué Allah Azza wa Jalla et fait son éloge et leur a expliqué cela. طيب وامر عند رؤية الخسوف بالدعاء والتكبير والصلاة والصدقة لما في ذلك من رفع البلاء النازل ودفع المتوقع ثم أخذ ينادي الأمة التي تشرفت بانتسابها إليه. Donc ensuite, il aura ordonné que lors de la vision d'une éclipse, de faire des invocations et le takbir, de faire la salat et de faire l'aumône. Car cela est une cause parmi les choses qui justement enlèvent les épreuves que subissent les gens et repoussent les choses qui sont à craindre. Ensuite, il a appelé sa communauté d'un appel anobli en l'affliant à lui, Ya Umat Muhammad, ô communauté de Muhammad. وَيُقْسِمُ وَهُوَ صَادِقُ الْبَارِ أَنَّهُ لَا أَحَدٌ أَشَدَّ غَيْرَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَزْنِيَ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ تَحْذِيرًا مِنَ الزِّنَا لِمَا فِيهِ مِنْ انحطاط وإحراق طيب من انحطاط الأخلاق وفساد المجتمع ثم عاد النداء للأمة. Donc ensuite, il a juré par Allah, alors qu'il est le plus véridique et le plus pieux, que personne n'est plus jaloux d'Allah que son serviteur, c'est-à-dire que le musulman, le croyant, ou même le kafir, se mette à forniquer, qu'il soit un homme ou une femme. Pour le mal que engendre justement cet acte qui est la fornication au sein des sociétés et comme corruption des mœurs et des comportements. Et ensuite, il les a encore nommés en les affiliant à lui, aux communautés de Mohammed. وَلَقَسَمْ بِاللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى أَنَّ الْأُمَّةِ لَوْ تَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ صَلَى اللَّهُ سَلَامٍ مِنْ عَظْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَشِدَتْ عِقَابِهِ لَكَانَ سُرُورُهُمْ قَلِيلًا وَحَزْنُهُمْ طَوِيلًا ولكن الله بحكمته ورحمته حجب ذلك عنهم وابلعهم من العلم ما يمكنهم العيش معه والسير في حياتهم ولا ما يراد منهم. Et ensuite, une fois qu'il est encore juré par Allah, en leur disant que si jamais ils savaient ce que lui sait comme immensité de châtiment d'Allah et de sa colère, ils auraient peu de joie, ils ressentiraient peu de joie, et leur tristesse serait constante, beaucoup plus longue. Cependant, Allah, par sa grande sagesse et sa grande miséricorde, nous a caché cela et nous a fait savoir que ce qui nous est permis de pouvoir accomplir ce qu'Allah veut de nous, de façon correcte, sans quoi notre vie ne sera peut-être pas aussi supportable. Également, parmi les hikmah, l'oubli, que l'on oublie les choses qui nous font arriver, parmi les tristesses. Par exemple, quand quelqu'un demain perd un proche, son père est mort, sa mère est morte, son enfant est mort, le jour de l'affliction que ressenti comme tristesse, elle est immense. Mais de jour en jour, cela se dissipe et il oublie. Imaginez-vous que vous viviez encore jusqu'à la fin de votre vie avec une tristesse comme celle de ce premier jour-là. La vie serait insupportable. La vie en deviendra insupportable. Donc Allah, par sa sagesse, nous fait oublier. Ça, c'est un oubli qui est louable. Et c'est une rahma de sa part. Yaqulu min fawaid al-hadith, enseignement du hadith, mashru'iyat salat al-kusuf 'inda wujudihi fi ayat sa'a, fi ayi sa'a, qu'il est légiféré de faire la salat du kusuf lorsque celle-ci se produit à n'importe quelle heure. Thaniyan anna salat al-kusuf rak'atan fi kulli rak'atin ruku'an wa sujudan yatilu fiha fi al-qiyam wa ruku' wa sujud wa al-qu'ud kullu wahidin min dhalika atwal mimma ba'dahu. Donc dans cette salat, elle se compose de deux raka'at. Dans chaque raka'at, deux inclinaisons, deux recours et deux prosternations qui sont toutes longues. Et chaque partie de la salat est plus longue que celle qui la suit. C'est-à-dire que le premier qiyam est plus long que le deuxième. Le premier recours est plus long que le deuxième. Et la première raka'at est plus long que la deuxième en tout. Wa kaza. Thalithan, mashru'iyatil khutbah والتذكير والموعظة بعد صلاة الكسوف qu'il est légiféré justement de faire la khutbah, de faire le rappel et l'exhortation après la salat du kusuf. Ce n'est pas obligatoire, mais cela est légiféré. رابعا أنه لا تأثير لموت أحد ولا لحياته في تغيير نظام الكون بكسوف أو غيره, que la mort ou la naissance d'une personne n'a aucune influence sur le déroulement ou le cours de l'univers des choses. Cela n'amène pas à un éclipse, ni à un raz-de-marée, ni à un tremblement de terre, ni à rien du tout de tout cela. Tout cela n'a lieu que par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisan, mashru'iyatil al-faza' ila ad-du'a wa takbir wa salat wa sadaqa 'inda wujud al-kusuf. Qu'il est légiféré justement de se précipiter avec peur à l'invocation et au takbir, à la salat et à l'aumône lorsqu'une éclipse se produit. Sadisan isbat ghayratillahi ta'ala min zina 'abdihi aw amatihi. Justement cela, ce hadith affirme l'attribut de la jalousie à Allah Azza wa Jal que son serviteur se met à forniquer ainsi que sa servante. Et tout autre péché que le ghayra, la jalousie est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sabian 'azma fahishati az-zina wa annahu min asbab al-'uquba. Et cela vient montrer justement le côté immonde de la turpitude qui est la fornication et que cela est parmi les causes qui amènent à ce qu'un châtiment général nous touche lorsque cette fornication se propage à grande échelle. Thaminan aidan ma akhfahu Allah 'anna min umur al-ghayb wa tala'a 'alayhi nabiyyuhu sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui montre la grandeur des choses qu'Allah nous a cachées dans parmi les choses de l'invisible, mais qu'il a fait connaître et découvertes à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses que lui a su que nous n'avons pas su. Et ça par sa miséricorde. Sans quoi nous ne devons peut-être pas supporter. Tasian, sa'at ilmi nabi sallallahu alayhi wa sallam bi rabbihi azza wa jal wa quwwat qalbihi wa ribatati ja'shi, na'am. Et cela montre justement la grandeur de la science du nabi sallallahu alayhi wa sallam et la force de son cœur qui lui permet justement de pouvoir supporter ces choses-là, de pouvoir faire face. هذا الذي اخذنا اليوم من الحديث والحمد لله رب العالمين.